Maintenant sort l'instrument que je t'ai donné. Et je vois les tes journées passées à essayer d'apprivoiser l'ange que j'étais, papa, papa. L'ange que j'étais. L'ange que j'étais.